Chapitre 5. Siliguri, l'Himalaya, le Terai, en railway fantastique à travers les fougères arborescentes, les magnolias géants, les choréas et les lianes, la route du Tibet et de la Chine, un peuple polyandre, Darjeeling et le Sikkim, retour à Calcutta. 23 mars, à 7h du matin, je m'éveille à Siliguri. Nous sommes au pied de cette gigantesque muraille de l'Himalaya dont les contreforts bleutés par la brume matinale se dressent devant nous. Changement de train. À l'inverse du T-Fine, les railways deviennent de moins en moins confortables. Celui sur lequel nous prenons place est presque minuscule. Il se compose de 4 wagonnets sans marchepied, d'une boîte dite fourgon et d'une locomotive avec tender, l'une et l'autre de la famille des Bassets. De simples couples réunissent entre eux ces divers éléments. On entasse comme on peut les bagages dans le fourgon. Un Indien olivâtre, au nez épaté, se plante dessus pour les tasser et les maintenir. Un maître coup de sifflet retentit et nous chargeons à toute vapeur la muraille bleue, entre deux rangées de rhododendrons rouges. Nous abandonnons promptement la jungle marécageuse et malsaine pour atteindre, sur le talus himalayen, des plantations de thé remarquablement soignées, puis nous pénétrons dans un fouillis indescriptible de plantes, d'arbustes et d'arbres de toutes espèces, sorte de chaos végétal qui paraît être le pot pourri de la nature. C'est le Terai. Notre locomotive tousse et souffle dru, car la montée devient à chaque instant plus raide. De temps à autre même, elle suffoque. Je comprends maintenant que les Anglais soient fiers d'avoir conçu et exécuté cette ligne ferrée où toutes les difficultés semblent avoir été prises à partie pour en triompher. C'est un vrai défi jeté à la nature par la science et l'orgueil humain. Tantôt notre train s'élève en espalier, avançant, puis reculant comme la navette d'un tisserand, tantôt comme un serpent qui mordrait sa queue. Il se hausse en se recoupant sur lui-même, tantôt il court sur des balcons naturels, surplombant des précipices dont les fonds insondables sont mouchetés de nuages. Ni les ravins béants, ni les murailles de granit n'arrêtent notre course, et les pentes vertigineuses ne nous préoccupent pas plus que les courbes les plus risquées. À tout moment, les freins crient, la locomotive râle, les couples gémissent, les wagons craquent, puis tout reprend son ascension haletante ou sa course folle et saccadée. Foin de la précaution humiliante des roues à engrenage. 4 roues simples, mais très basses, il est vrai, portent notre fortune. Si les freins cèdent, c'est la suprême simplification. Tout en gravissant, zigzagant, serpentant et bondissant, nous traversons des contrées merveilleuses dont j'enrage de ne pas savoir peindre les magnificences. Pendant une heure défilaient des fougères arborescentes. Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales. Aux fougères succèdent de nouveau les touffes proprettes des arbustes à thé. Nous pénétrons ensuite dans la région des grands choréas, des chênes, des châtaigniers et des magnolias gigantesques, drapés de plantes grimpantes aux puissantes frondaisons ou enrubannées de monstrueuses lianes qui les font ressembler à des caducées géants. Certains magnolias sont tellement couverts de fleurs qu'on les dirait enveloppés d'un voile blanc. D'autres gisent étouffés sous les enlacements des parasites. C'est la forêt vierge dans toute sa splendeur. Et dire que nous la violons à toute vapeur, cette forêt, vierge quand même. Note. Choréas, sals, grands arbres appartenant à une famille dont les représentants existent seulement dans cette partie de l'Asie et produisent un sec résineux. Certains sujets atteignent 20 mètres de hauteur. Fin de note. La voie ferrée suit à plusieurs reprises la grande route du Tibet et de la Chine, où nous reconnaissons les Bhoutanais trapus à la figure olivâtre et aplatie, aux larges épaules et aux mollets énormes, les Gourgas du Népal, les meilleurs soldats du contingent indigène de l'armée anglaise, présentant à peu près le même type, et les Lepchas, reconnaissables à la grosse tresse de cheveux sortant de leur feutre mongol. Note à propos des Gourgas, comme le souverain du Népal, mal disposé pour les Anglais, se refuse à céder de nouvelles recrues à ses trop ombrageants voisins. Ceux-ci, pratiques, ont imaginé d'instituer des haras et des jumenteries de Gourgas avec les sujets qu'ils possèdent. Ceux-ci, sous toute réserve. Fin de note. Tous portent à la ceinture un poignard à trois lames et marchent fièrement. Je me figure que ces gaillards-là ne doivent pas se laisser bâtonner aussi facilement que les Bengalis. Les femmes de ces peuplades sont petites, généralement laides, mais solidement établies. Rien de l'article de Paris. Leurs extrémités sont fines, leurs mollets forts, et leur corsage, échancré en cœur, laisse apercevoir des rondeurs irréprochables. La plupart sont tatouées et couvertes de bijoux et d'amulettes, aux incrustations de turquoise et de corail. Je remarque plusieurs indigènes portant des fleurs de magnolia dans leurs cheveux. Mon aimable voisin, hongrois d'origine, que j'interroge à ce sujet, me dit que cette fleur est un symbole de tristesse et de deuil. Il m'apprend également que le régime social de ces tribus est la polyandrie. Dès qu'une fille est nubile, elle prend un mari. À partir de ce moment psychologique, elle peut s'offrir tous les concubins qui lui plaisent, en commençant de préférence par les frères du mari. Quoi qu'il arrive, les enfants appartiennent à la mère ou, dans certains cas, au grand-père maternel. On conçoit en effet sans peine que la recherche de la paternité soit quelque peu malaisée chez ces mormons d'une autre espèce. Quand on se roule sur un buisson d'épines, sait-on au juste quelles sont celles qui vous piquent? Après un déjeuner passable à Curcéon, reprise de notre ascension féerique, de toutes parts bondissent des cascades fumantes. Les précipices se multiplient. 1000 cadavres ligneux sont accrochés aux arêtes des rocs. De grands aigles planent dans les airs, au-dessous de nos pieds, et à chaque instant, nous crevons un nuage servant de rideau accidentel à un changement de décor. C'est idéal. Vers midi, plus moyen d'avancer. Un rail a été emporté par un éboulement, mais en moins de 20 minutes, la voie est rétablie. Un voyageur pressé ou poseur fait la réflexion qu'on aurait pu passer quand même. Oui, mais de vie à trépas, vraisemblablement. Tout se passe d'ailleurs en famille sur notre railway. Quand notre locomotive a soif, elle s'arrête sous une cascade. Son chauffeur Lepchas y adapte une manche. Aussitôt satisfaite, elle repart en s'ébrouant. Si, par suite d'excès de consommation, elle a faim en dehors des stations d'arrêt, on stoppe au milieu d'une tribu et des indigènes apportent un supplément de fagots qui leur est payé comptant. Enfin, si les bagages trop bousculés menacent de déserter leur fourgon, on ralentit pour permettre à des Indiens de sauter au passage sur les valises branlantes auxquelles elles servent de bâches vivantes. Dans aucun cas, on ne s'occupe des voyageurs. Cependant, à force de nous élever, nos manteaux deviennent indispensables. Puis les choréas se font rares et les grands rhododendrons font leur apparition, ainsi que les diverses variétés de conifères. Après avoir atteint vers 4 heures le point culminant de la montée, nous redescendons sur le flanc nord de ce puissant été de l'Himalaya et à 4h30, nous arrivons à Darjeeling. Deux palanquins découverts en forme de pirogue nous attendent. Nous nous y couchons, mais le roulis produit par l'angle de mes trois porteurs me rappelle trop celui du Tibre. Je termine la route à pied. Notre installation au cottage Bale, une fois reconnue, nous procédons immédiatement à l'examen d'ensemble de ce sanitarium de la province du Bengale qui a nom Darjeeling. Note sanitarium, station d'hospitalité militaire. Fin de note. Cette station consiste en un superbe hôpital militaire agrémenté d'un croissant de villas, de petits hôtels et de maisons d'éducation suspendues comme un troupeau de chèvres aux flancs escarpés d'un cirque ayant pour décor les plus hauts sommets du globe. C'est la Suisse des géants. Note, Mont Everest 8848 mètres, le Kanchenjunga 8540 mètres. Fin de note. Chaque cottage est entouré de délicieux jardins où les dracénas et les rhododendrons de 9 mètres de hauteur luttent de vigueur avec les pins d'Eodora, les mélèzes, les pincassias, etc., etc. Plus le ciel enflammé, nous sommes dans le Sikkim, province extrême de l'Empire indien, enfoncée dans le Tibet comme un coin entre le Népal et le Bhoutan. Ou mieux, comme une lorgnette dont l'oculaire appartient aux Tibétains. Il n'est donc pas étonnant que les Anglais voient un peu trouble de ce côté, puisqu'ils regardent chez leurs voisins par le gros bout de la lunette. Qui vivra, verra. Les Sikkimois, presque tous armés de superbes poignards, sont chaudement vêtus de houppelandes, chaussés de bottes en laine et en cuir, supérieurement enjolivés, et coiffés de feutres marrons relevés à la chinoise. Leur propreté me semble douteuse au point de renoncer à rien approfondir. Pendant que je marchande un bracelet à une beauté camargue du pays, un dévot fait tourner machinalement son moulin à prière. C'est une sorte de cylindre en argent coiffé d'un cône et monté sur pivot. Un poids attaché à l'extrémité d'une chaînette, facilite le mouvement giratoire. Enfin, des prières sont ciselées sur le cylindre. Autant de tours, autant d'indulgences. D'autres pieux croyants disent dévotement leur chapelet. Nous sommes de nouveau en plein bouddhisme. La température a baissé considérablement. Il fait plus 4 degrés. Nos ombrelles emportées par habitude ont des airs piteux et nos boys en grande tenue nous suivent en soufflant sur leurs doigts. J'avoue que mon bain froid a été court et qu'un bon feu n'est pas de trop dans nos chambres. Parmi les rares étrangers actuellement à Darjeeling se trouve un Belge, Monsieur Lamal, marié à une Française. Ils sont l'un et l'autre aussi aimables que spirituels. Nous avons vite fait connaissance. 24 mars. Au réveil, nous avons beau écarquiller nos yeux, des nuages d'une opacité sans pareille enveloppent le mont Everest et le Kanchenjunga. Que ne suis-je le géant de Victor Hugo, qui, de son souffle au loin, courbait les peupliers. Comme j'éventrerai cet humide et malencontreux édredon jeté sur le plus merveilleux des panoramas. Tout en pestant contre les nuages, brumes, vapeurs et buées, nous visitons rapidement Darjeeling, dont le marché est la Great Attraction. Nous y achetons divers bibelots, puis nous rejoignons le train fantôme. À la gare, une harde de femmes plus que familières nous offre effrontément une infinité de choses leur appartement. Si on insistait tant soit peu, elles donneraient tout. Nous nous gardons de rien demander. Elles sont d'ailleurs peu ragoûtantes. L'une surtout est hideuse. Ses cheveux sont ruisselants de graisse rance, ses ongles sont démesurément longs, et tout en poussant des hurlements de bête, elle nous sourit aussi gracieusement qu'une guenon. Elle doit être enragée, malgré ses amulettes. Je lui jette quelques païs. Elle se précipite à quatre pattes. On dirait qu'elle broute. Et je ne puis m'empêcher de penser à Nabucodonosor. Pendant que je suis en Assyrie par la pensée, notre locomotive nous entraîne brutalement loin de ses mégères aux yeux bridés. Je ne reviendrai pas sur les beautés pittoresques revues avec avidité. Cependant, la descente est encore plus fantastique que la montée. À chaque instant, on croit que l'on part pour l'éternité. Ça fouette le sang. De Damukdéa à Calcutta, j'ai la bonne fortune de voyager avec le colonel Keith Fraser, un parfait gentleman qui a laissé partout en France de charmants souvenirs. Il vient de faire pendant 3 mois, sur la frontière du Bhoutan, des chasses merveilleuses. Son tableau est une épopée. J'y relève, entre autres pièces, 3 rhinocéros et 2 tigres. 25 mars. À peine de retour à Calcutta, nous décidons de partir pour Bénarès, dont 766 km nous séparent. Grâce à nos boys, nous sommes bientôt parés. Au moment où nous nous disposons à quitter l'hôtel de France, un flot d'hindous produisant un bruit assourdissant envahit la rue. Cette cohue représente un mariage musulman. Les époux, recouverts d'un voile rose et vêtus d'étoffes éclatantes, sont maintenus à cheval par leurs parrains. 2 proches parents tiennent au-dessus des conjoints au berceau. Ils ont à peine 6 ans. Une sorte de parasol en drap d'or, dont la forme rappelle celle du moulin à prière du dévot de Darjeeling. Ce cortège est entouré par des porteurs de torches et de lanternes vénitiennes. 1 millier d'énergumènes, surexcités outre mesure, suivent en hurlant à qui mieux mieux. Enfin, pour compléter le tapage, des musiciens incohérents tapent à tour de bras sur des tambours, des tam-tams, des cymbales et autres instruments de salon. C'est à regretter de ne pas être sourd. À 9h30, nous sommes emportés vers la ville sainte des hindous. Fin du chapitre 5.